France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Thierry Casasnovas, l'ascension du gourou crudivore et conspirationniste. C'est pas faire du conspirationnisme ou quoi que ce soit pour dire que le virus du sida n'existe absolument pas. Même le professeur Luc Montagnier qui l'a trouvé a bien dit « Non mais attendez, on avait fait une modélisation, mais en fait c'était pour de rire, on avait dessiné ça avec des copains un soir où on était bourrés, mais il n'y a pas de virus du sida, il y a une immunodéficience ». Depuis 2011, Thierry Casasnovas inonde ses 600 000 abonnés sur YouTube de ses conseils santé et de sa doxa crudivore et conspirationniste. Pour lui, par exemple, pas de virus du sida, pas de cancer, non, c'est juste un gros business signé Big Pharma. La construction de cette pensée, si l'on peut dire, commence par la promotion du manger cru et des bienfaits des jus de légumes et fruits concoctés à domicile. Pour l'instant, rien de bien méchant, et même plutôt en phase avec notre société du légume roi. Mais derrière ce discours bien-être, Casasnovas, ancien boulanger itinérant, distille théorie du complot et croyances ésotériques fumeuses. En vendant ses extracteurs à jus, ses stages de formation, il s'est aussi bâti un business très juteux. Mais d'anciens compagnons de route du catalan épinglent ses méthodes. Et le 10 mars 2023, il est mis en examen pour exercice illégal de la médecine, abus de confiance et blanchiment. Avec comme point de départ l'alimentation et en ligne d'arrivée le rapprochement avec la réacosphère, l'itinéraire de cet apôtre du cru est un cas d'école de la dérive conspirationniste. Notre invité aujourd'hui, Clément, du collectif L'Extracteur, qui décortique depuis 2020 les discours de Thierry Casasnovas pour en dénoncer les contre-vérités. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire Constance Villanova, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation David Leprince. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Ce 13 février 2011, Thierry Casasnovas hésite face à son écran d'ordinateur. Publiera ou publiera pas? Ce marginal de 37 ans à la silhouette décharnée a décidé de se lancer sur YouTube. Après des années de galère, il pense avoir trouvé sa voie. Il évangélisera les internautes au bienfait du manger cru. Le principe de ce régime est simple, se nourrir uniquement d'aliments crus, légumes et graines, ou cuits à moins de 42 degrés, ce qui préserverait les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments. Une pratique contestée par les experts. Et alors, Thierry Casasnovas revient justement d'un voyage en Thaïlande où il a essayé d'en savoir un peu plus sur ce mode de vie. Sur son blog Vivre Cru, il a chroniqué son périple jusqu'à cet accident de la circulation qui l'a obligé à revenir chez lui à Montesco, petite commune des Pyrénées-Orientales. Enfin, chez lui. Chez ses parents, plutôt. Dans une chambre indépendante, plantée au milieu du jardin, là où poussent les légumes. Ce 13 février 2011, Thierry se lance et clique enfin sur « Publier ». Sa première vidéo est en ligne sur YouTube. 6 minutes 52 d'images filmées dans un marché thaïlandais. Le rugissement des deux roues en arrière-plan. Bonjour, c'est Thierry sur le blog vidéo de Vivre Cru. Et pour ce premier message, je voulais vous parler des grandes erreurs, des erreurs fondamentales que l'on peut faire en commençant à manger cru, que j'ai faites moi-même et qui auraient pu être assez graves, qui l'ont été pour certaines d'ailleurs, et je ne suis pas le seul à les avoir faites. Donc la première et la plus importante des erreurs a été de consommer beaucoup trop de produits gras, beaucoup trop de matières grasses. De consommer énormément de noix, d'oléagineux, de toutes formes de purée d'oléagineux. Le visage émacié surmonté de boucles châtains, les épaules dévoilées par un Marcel bleu, Thierry Casasnovas se filme entre les stands de fruits pour prôner, avec son accent perpignanais, un régime alimentaire dit du vivant. Dans cette vidéo, intitulée « Débuter dans le mode de vie crudivore, quelques erreurs trop classiques », il insiste. Il faut manger cru et mixer. Une première pastille qui en préfigure 1000 autres et annonce une communauté qui atteindra les 600 000 abonnés. La machine est lancée. Thierry Casasnovas naît le 15 avril 1974 à Perpignan, de parents professeurs de maths et d'éco-gestion. Il grandit dans la plaine catalane au nord de la frontière espagnole. De cela, nous sommes certains. De la suite, beaucoup moins. Tant Thierry Casasnovas mystifie sa propre vie pour en faire une aventure dont il est le héros. À l'aube de l'âge adulte, il aurait décroché un bac C, scientifique et maths, donc mention très bien s'il vous plaît, et avec un an d'avance. Mais submergé par une crise existentielle aux effluves adolescentes, il abandonne l'idée de s'inscrire en prépa maths sup à Toulouse. À cet âge-là, il raconte peser 90 kilos pour 1m70, un surpoids qui l'obsède. D'ailleurs, il essuie sans cesse les moqueries de ses camarades de classe. La terminale passée, direction Montpellier, pour une maîtrise de physique nucléaire. Et puis il arrête. Il veut devenir instituteur. Mais après un an à enseigner dans une classe difficile, il rend son tablier. Pendant ces années, loin de chez ses parents, il se nourrit, selon ses dires, que de cornflakes, de lait et de chips de crevettes vietnamiennes. Sans travail, toujours dans cette légende qu'il construit lui-même, Casasnovas raconte qu'il se coupe du monde. Il achète une tente, un vélo, un réchaud, et avale des milliers de kilomètres, pédalant même jusqu'en Norvège avec comme seule béquille financière le RMI. Mais une fois de plus, cette fièvre lui passe, celle du vélo en l'occurrence. Il monte alors une association de boulangeries itinérantes qui ne lui rapporte pas d'argent. Et puis la solitude grignote cet homme qui se marginalise, qui habite dans une caravane. En quête de sens, il glisse doucement dans l'univers des médecines parallèles. Il faut dire qu'à l'aube des années 2000, le contexte s'y prête. Le Vioxx, ce médicament est soupçonné d'être responsable de 27 000 morts dans le monde. Utilisé plus de 18 mois, il multiplie par deux les risques d'attaques cardiaques et cérébrales. Merck, le groupe pharmaceutique américain qui produit cet anti-inflammatoire, l'a-t-il distribué tout en connaissant les dangers? C'est ce que laisse entendre le New England Journal of Medicine, une prestigieuse revue médicale américaine. Selon le groupe pharmaceutique Bayer, 52 décès dans le monde pourraient avoir été causés par l'un de ces médicaments. Il s'agit du Baïcol Lipobay, un anti-cholestérol retiré du marché la semaine dernière. Un cas a été recensé en France. Après le Vioxx, retiré par son fabricant le 30 septembre dernier, c'est au tour du Celebrex des laboratoires Pfizer de faire l'objet d'une mise en garde. Une étude chez des patients prenant cet anti-inflammatoire à dose élevée et de façon quotidienne a montré une augmentation des risques d'accidents cardiaques, mais le médicament ne sera pas retiré du marché. Entre 2001 et 2005, les scandales pharmaceutiques s'enchaînent. Le Vioxx, anti-inflammatoire des laboratoires américains Merck & Co, est épinglé comme entraînant des effets secondaires graves. Et sans le savoir, les médecins l'ont prescrit pendant des années. L'anti-cholestérol, Baïcol, provoque, lui, des problèmes musculaires. Le Celebrex, estampillé du mastodonte Pfizer, donnerait lieu à des accidents cardiovasculaires. La toute-puissance des labos pharmaceutiques ronge la confiance de certains envers la médecine conventionnelle. Dans un monde post-attentat du 11 septembre 2001, les théories du complot fleurissent, tout comme les forums en ligne sur Internet en pleine expansion. La théorie du Big Pharma est clos. Ce terme, Big Pharma, d'abord utilisé par les journalistes, désigne l'industrie thérapeutique dans son ensemble, mais de plus en plus concentrée sur une poignée de labos. Elle est ensuite instrumentalisée par les complotistes. Pour eux, le principe est simple, les labos, Big Pharma donc, aurait un accord tacite pour se faire le plus d'argent possible sur le dos des patients en produisant des médicaments qui rendent malades. Leur but, nous maintenir dans un état de santé amoindri pour nous refourguer leur cachet. En réaction au scandale pharmaceutique et à cette nouvelle théorie fumeuse, les grands manitous de la santé montent au créneau. Et c'est précisément à cette époque que la santé de Thierry Casasnovas se dégrade. À 33 ans, l'âge du Christ, les gourous de l'ère moderne aiment bien les symboles du genre, il raconte avoir frôlé la mort. Il affirme qu'il pèse entre 29 et 30 kilos, qu'il souffre de la tuberculose, d'une hépatite C et d'une pancréatite aiguë. Son système immunitaire en rade, il ne digère plus rien, se déplace en fauteuil. Pas en forme ce type-là. Les médecins, au crochet de Big Pharma, bien sûr, pour tout bon conspirationniste qui se respecte, le gave de médicaments. L'un d'entre eux lui aurait même conseillé de rentrer chez lui pour mourir. Thierry Casasnovas n'a plus que quelques jours à vivre. Mais il ressuscite, grâce à un rêve, échappant de peu à une procédure judiciaire que le Christ aurait pu lui intenter pour concurrence déloyale. Cette renaissance, cette résurrection, Il l'a décrit dans une vidéo de sa chaîne, supprimée depuis. Une nuit, j'ai fait un rêve. Alors, dans ma vie, il y a eu beaucoup de mes choix, de mes tournants qui ont été faits au matin, au sortir d'un rêve. Et dans ce rêve, j'ai rêvé de quelqu'un, quelqu'un que je ne connaissais pas. Mais au matin, quand je me suis réveillé, je savais, alors ne me demandez pas pourquoi, parce que je ne le connaissais pas physiquement, mais je savais que la personne que j'avais vue dans mon rêve était quelqu'un qui s'appelait Guy Colburger, qui était l'inventeur de l'instinctothérapie, le créateur de l'instinctothérapie. Je ne sais pas pourquoi, j'étais persuadé que c'était lui. J'ai filé vite à vélo voir mes amis qui habitaient pas loin de là, leur demander s'ils avaient le livre de Guy Colburger, et quand j'ai eu le livre en main, puisqu'ils l'avaient, j'ai retourné, et sur la quatrième de couverture, il y avait la photo, et j'ai bien reconnu la personne que j'avais vue en rêve. Sur sa chaîne YouTube, ou lors de ses conférences, il raconte sa résurrection de plusieurs manières, mais avec un même objectif, impressionner son auditoire. Le récit varie au fil des années, le rêve mystique, peu crédible, s'efface, mais Guy-Claude Burger, le fondateur de l'instinctothérapie, infuse dans toute la pensée de Casasnovas, un gourou du cru qu'il érige en modèle. D'ailleurs, revenons un peu sur ce personnage. Guy-Claude Burger, ex-mathématicien suisse, crée donc en 1964 l'instinctothérapie, un principe qui consiste à se nourrir d'aliments crus choisis et dosés suivant les perceptions du goût et de l'odorat. Certaines céréales et le lait animal sont exclus de ce régime, mais pas la viande. Concrètement, les adeptes choisissent en sentant, en touchant les aliments crus qu'ils souhaitent manger, et tant pis si ce sont des huîtres, pas spécialement agréables à palper. L'ex-scientifique, devenu charlatan, prétend soigner de nombreuses maladies allant du simple rhume jusqu'au cancer, en passant par le sida. En 1978, Guy-Claude Burger est condamné à 4 ans de prison en Suisse pour avoir fait subir des violences sexuelles à son fils et à une fillette de 9 ans. Car à l'instinctothérapie, Burger ajoute la théorie de la métapsychanalyse qui consiste, elle, à suivre ses instincts sexuels. Une logorée pseudo-scientifique qui, en fait, justifie la pédocriminalité. Mais cela n'empêche pas de publier plusieurs livres sur le cru et d'implanter différentes communautés dans lesquelles il propose des stages payants. Les médias en raffolent. En 1985, une journaliste d'Antenne 2 se rend en Seine-et-Marne pour tester l'étrange régime. Je rentre au château de Montramé, en Seine-et-Marne, pour rééduquer mon instinct alimentaire. Pendant ce stage, je vais réapprendre à sentir, à renifler, à goûter, à manger tout cru. Guy-Claude, là, j'ai pas été bien cet après-midi. Et en plus, le fait de ne serait-ce que de la voir et toutes les odeurs de viande et de poisson, je peux pas. Si on ne peut pas, il faut justement pas le manger. L'instinct, ça consiste justement à obéir au plaisir. Si c'est mauvais, c'est qu'il ne faut pas le manger. C'est peut-être aussi dû au fait que vous avez un dégoût pour la viande. Ce dégoût, il passe à la langue. Ce qu'il faut, c'est de ne pas tenir compte de l'idée. Il faut faire comme le bébé, là. Regardez à propos. Première fois que ce bébé mange de la viande, lui, il n'a pas d'idée préconçue. C'est comme ça qu'on devrait tous agir, simplement en fonction de l'appel instinctif. Résultat, en 1997, Burger est condamné pour exercice illégal de la médecine. En 2001, il écope de 15 ans de prison pour viol sur mineur de 15 ans. Mais ce parcours de pédocriminel n'empêche pas Thierry Casasnovas de faire de Burger un maître. À la recherche de modèles, en octobre 2006, il rencontre un autre champion, autre escroc du cru. Pas en rêve cette fois, non, dans la réalité. C'est un certain Brian Clément qui dirige l'Hippocrate Institute en Floride. Sourire ultra bright, cheveux gominés, cet automne-là, l'Américain anime une conférence à Montpellier. Et il l'affirme, manger cru ralentit la vieillesse et guérit. Après un séjour dans son centre à Palm Beach, une femme en fauteuil souffrant d'une sclérose en plaques aurait vaincu sa maladie et courrait aujourd'hui des marathons. En décembre 2006, Casasnovas prend l'avion pour la côte est des États-Unis. Il séjourne 3 semaines à l'Institut Hippocrate. Un voyage qui coûte 4000 euros à ses parents. Là-bas, sous la chaleur floridienne, il tient un journal de bord en ligne sur le forum EcoBioInfo. Il y raconte sa consommation alimentaire quotidienne, jus de légumes et graines. Mais au sein de l'Institut Hippocrate, Casasnovas prend surtout des notes sur un business très lucratif qu'il compte bien importer en France. Je ne mâche pas mes mots. je ne mâche pas mes mots. S'il m'arrive d'être foudroyé par l'éclair au chocolat, très souvent je me raisonne avant de replonger mon doigt dans la marmelade aux pommes préparée à cappella. Sur le piano, si la seule vue du miel suffit à clarifier ma voix. Aujourd'hui, le cas Thierry Casasnovas. France Inter, affaires sensibles. Février 2011, en Thaïlande, Thierry Casasnovas publie sa première vidéo. Très vite, il en enchaîne d'autres. Guy-Claude Burger n'est plus, alors Casasnovas occupe la place. En tailleur, les cheveux de plus en plus longs, attachés en queue de cheval, il raconte son incroyable résurrection grâce au crudivorisme. Il publie des centaines de vidéos, des heures de monologues, que l'on pourrait résumer de cette manière. L'alimentation et le mode de vie sont la cause de toutes les maladies. Obésité, cancer, maladies génétiques, autisme. Et toutes les maladies proviennent du même mal. Mal, l'excès de produits acides et de toxines. Par ailleurs, le stress, le manque de sommeil, la nourriture trop riche, les produits animaux, les céréales, les légumineuses, ce qui est cuit, rendrait notre organisme, disons, acidulé. Donc, pour se purifier, il faut jeûner, méditer, prendre des bains froids et consommer des fruits et légumes crus. Et pour mieux les assimiler, la meilleure manière est de les réduire en jus et d'en consommer en très grande quantité. Mais au-delà d'un régime alimentaire, Casasnovas irrigue sa chaîne de fausses informations. Selon lui, le cancer n'existe pas, c'est une vulgaire opération marketing. Les mammographies, selon lui toujours, provoqueraient le cancer du sein, par exemple. Et le sida, une invention. Enfin, vous avez été victime d'une amputation? Pas de panique, pas de drame, le bras peut se reconstruire, il suffit de prier très fort. Dans ses vidéos, il répond directement à ses abonnés. Bonjour Thierry, j'ai ma maman qui a un cancer depuis un an du rectum. Je l'ai mise au végétal cru, jus, depuis octobre. Son état empire. J'ai dû la faire transfuser. Ses globules étaient bas. Elle est âgée. Elle ne subit aucun traitement chimique. C'est son souhait. J'ai bien peur qu'elle parte. J'aurais tout essayé. Je suis désemparé. Je pense que j'ai fait que ralentir le processus, ce qui est déjà pas mal. Je voulais savoir si tu avais des pistes intéressantes. Elle ne veut aucun traitement chimique et franchement, je la comprends. Parce que la chimiothérapie n'apporte qu'une seule chose. C'est 50 000 euros à la personne qui va la vendre. Entre 35 et 50 000 euros pour une chimiothérapie. Voilà ce que ça rapporte. Par contre, c'est du poison massif que tu t'injectes dans les veines. Le Le 21 juin 2012, celui qui se plaît à se faire appeler Titi fonde son association baptisée Régénère. Il reprend des services et enchaîne des conférences à travers la France, pieds nus sur scène, cheveux en chignon. En parallèle, il devient l'une des plumes du magazine crudivore spécialisé Chou Brave, lui donnant une certaine légitimité dans le petit monde du cru. Casasnovas comprend que l'algorithme de YouTube favorise les profils qui génèrent énormément de contenu. Alors, il met en ligne des centaines de vidéos pour rester omniprésent sur la plateforme. Son discours doit rester visible, coûte que coûte, quitte à matraquer ses abonnés d'images. C'est à l'aube des années 2010 que le gourou aux allures de vanupier et colo radical pose également les premières pierres d'un empire financier. Pour comprendre comment mieux manger et guérir, quoi de mieux qu'un stage directement chez Thierry Casasnovas? Pour extraire le précieux jus des légumes crus, base du régime alimentaire crudivore, quoi de mieux que de lui acheter un extracteur? Oui, acheter, acheter, le business devient très lucratif. Sur le papier, son association Régénère existe grâce aux dons de ses adhérents, mais aussi grâce à, je cite, « une petite commission tirée des extracteurs de jus ». Et puis, sur ce même site, les fans peuvent acheter de l'eau de mer, des trampolines dits thérapeutiques à 600 euros, censés stimuler la lymphe et la perte de poids, ou bien des mélanges d'herbes avec des prétentions thérapeutiques. Et s'ils sont d'humeur généreuse, ils peuvent aussi faire un don à Titi via PayPal. En 2014, le site Rue 89 calcule que le pape du cru a gagné 40 000 euros en un mois. Montage, cadrage, caméra, ces vidéos se professionnalisent. La notoriété de l'apôtre gonfle. En témoignent les commentaires sous les vidéos de l'époque. Bonjour Thierry. De retour des urgences à cause d'une allergie alimentaire de mon fils, je regarde votre vidéo pour la première fois. La logique est intéressante. Et j'aimerais bien essayer le détox pour pouvoir le guérir dans le long terme. Par contre, sa réaction à même une petite poussière de noix est réelle, est dangereuse pour la vie. Ce n'est pas une peur, mais une réalité que malheureusement nous avons déjà vécue. Merci. En ce moment, je me sens épuisée par le mode de vie que je mène. Tes vidéos me font un bien fou, tu n'as pas idée. À la fin du mois, j'achète un extracteur de jus. Je souhaite changer mon alimentation et bien d'autres choses. Merci. Merci Thierry pour tes vidéos. Je me suis lancée hier. Jus de légumes plus fruits, j'adore. Chose curieuse, je n'ai pas faim alors que je pensais que les jus de légumes ne seraient pas suffisants. Contente d'avoir découvert ça, un grand merci. Continue, c'est super ce que tu fais. Mais sous les louanges des adeptes, il suffit de gratter le vernis pour retrouver ici et là des témoignages négatifs d'anciens partisans. Parmi eux, Elodie, une femme de 30 ans. Dans un billet de blog publié le 22 juillet 2013, elle poste deux clichés d'elle avant et après le régime miracle. Avec ses kilos en moins, elle raconte avoir suivi les préceptes de Casasnovas pendant 8 mois et elle énumère les conséquences pour sa santé. La liste est longue. Perte de mémoire, fonte musculaire, perte massive de cheveux, grosse chute de tension, peau fatiguée et vieillie, teint transparent, psoriasis, ostéoporose de la mâchoire. Plus encore, elle dénonce l'omerta qui régnerait dans le milieu du crudivorisme et l'ostracisation de tous ceux qui critiquent un certain Thierry C. Mais l'audience de Casasnovas ne diminue pas, au contraire. Les vues sur sa chaîne YouTube se comptent par centaines de milliers. La presse régionale s'amuse des conférences et cantonne son activité à la rubrique insolite. Mais tout de même, à partir de l'année 2012, la dangerosité du discours et l'engouement pour celui-ci finissent par interpeller la MIVILUD, ou Mission Interministérielle de Vigilance et de Lutte contre les Dérives Sectaires. Créée en 2002 par l'État, cet organisme est chargé d'enquêter, de faire de la prévention et de coordonner l'action répressive des pouvoirs publics. Les associations antisectes s'inquiètent, elles aussi. Alors, Casasnovas lisse son image. Il embauche un conseiller en communication, il prend du poids, son visage anguleux se remplit. Il porte des chemisettes et coupe ses cheveux longs. À partir de 2014, il se met à flirter avec l'extrême droite. Le 28 février, devant 600 personnes agglutinées dans le palais des congrès de Paris-Est, à Montreuil, il participe à la conférence dite « Alerte à la santé » et se lance dans une ode au pouvoir des jus. Sur scène également. pseudo-nutritionniste Corinne Gouget. Elle intervient fréquemment au théâtre de la Main d'Or, loué par un certain Dieudonné. Autre invité, Claire Sévrac, ancienne chanteuse qui publie des ouvrages conspirationnistes et antisémites comme La guerre secrète contre les peuples, livre édité par Contre-Culture, avec deux cas, et qui appartient au militant d'extrême droite antisémite bien connu de la grande famille des conspirationnistes, Alain Soral. Ce dernier partage d'ailleurs des vidéos du Crédivore sur son site Égalité et Réconciliation. À partir de 2016, nouveau coup d'éclat signé Thierry Casasnovas. Il mobilise une nouvelle audience, la mouvance anti-vax. Son fer de lance, la loi sur la vaccination obligatoire pour 11 vaccins, votée en décembre 2017. Les consultations des pédiatres vont se multiplier. Je vous annonce donc que l'article 34 est adopté. Hier soir, les députés ont voté l'extension de 3 à 11 du nombre de vaccins obligatoires, une mesure applicable à compter du 1er janvier prochain. Selon Casasnovas, les vaccinés mettent en danger les non-vaccinés. Dans ses interventions, il appuie ses propos sur une étude publiée dans la prestigieuse revue scientifique de Lancet en 1998. Andrew Wakefield, un chirurgien britannique, y affirme qu'il existe une relation de cause à effet entre le vaccin rougeole rayon rubéole, obligatoire chez les enfants, et l'autisme. Sauf qu'aucun résultat d'autres chercheurs ne confirme les résultats de cette étude. Le British General Medical Council lance alors une enquête qui révèle la malhonnêteté de la publication. Wakefield est radié en 2010 de l'Ordre des médecins. Le chirurgien tombé en disgrâce devient l'une des plus grandes figures du conspirationnisme anti-vax mondial. En septembre 2018, Casasnovas publie une série de vidéos sur sa chaîne intitulée « Enquête sur la vaccination ». Il dénonce de plus en plus de témoignages inquiétants de parents décrivant de très lourds effets secondaires à la suite des injections. Et ce sauveur de l'humanité ne se cantonne plus aux extracteurs de jus et aux stages. En 2019, il lance sa plateforme de formation de coach en génération et régénération, composée de 6 modules, notamment sur l'hygiénisme et l'iridologie, pseudo-médecine qui consiste à établir un bilan de santé en observant l'iris. Qu'au minimum, 200 euros chacune. Casasnovas connaît la loi et les risques de la pratique illégale de la médecine. Alors pendant ses sessions, il insiste auprès de ses pseudo-thérapeutes en herbe, interdiction pour les futurs coachs de conseiller des régimes alimentaires directement à leurs clients. Casasnovas les encourage à utiliser l'expression « j'ai entendu dire que ». Prudent, il propose des éléments de langage à ses messagers pour qu'ils évitent d'émettre un diagnostic que seuls les médecins ont le droit de poser. En 2019, les comptes d'Actinidia, société éditrice du site Régénère qu'il a fondé avec son épouse, débordent. 645 000 euros de chiffre d'affaires. Il est loin le temps où l'ex-boulanger itinérant squattait le jardin de ses parents. Désormais, le quadragénaire habite avec son épouse dans une maison dans la vallée du Val-Espire. En 2020, il est élu conseiller municipal du village perché de Taulis, qui regroupe une cinquantaine d'habitants. Mais c'est une pandémie mondiale qui va lui faire atteindre les sommets de popularité. Alors, comment se protéger et survivre au coronavirus? Simplement en bâtissant une bonne immunité. La réponse, elle est aussi simple que ça. Le jeûne est l'un des meilleurs moyens de muscler le système immunitaire. On dit que 3 jours de jeûne, ça fait un reset complet du système immunitaire. Petite vidéo courte, hein, c'est réglé, hein, coronavirus. Hein, si j'étais ministre de la Santé, moi, ça serait réglé rapido. Bain froid et jeûne pour tout le monde. Un petit peu de jus de carotte et vas-y que je t'envoie. En pleine épidémie de Covid-19, Casasnovas entame un virage assumé vers le complotisme. Pendant le confinement, il conseille aux citoyens de se regrouper, de voir du monde pour booster le système immunitaire de chacun. Rien de mieux qu'un bain froid, un jeûne et du jus de carotte, bien sûr, pour contrer une maladie qui a fait plus de 69 000 morts en France en 2020. Il se rapproche aussi de Jean-Jacques Crèvecœur, le chef de famille des conspirationnistes belges. Cheveux mi-longs, exaltés, Crèvecœur considère par exemple que c'est l'OMS qui se cache derrière le crash d'avion de Smolensk en 2010, crash dans lequel plusieurs figures polonaises ont trouvé la mort. La famille Casasnovas, elle, s'agrandit avec Tal Schaller, obsédé par le cofondateur de Microsoft, Bill Gates, qui serait pire qu'Hitler et qui prône l'urinothérapie, le fait de boire son urine, donc, comme remède miracle. En plein débat sur la vaccination contre le Covid-19, les logorrhées sur une soi-disant dictature sanitaire explosent. Les discours médicaux de charlatans n'ont jamais été aussi porteurs. Et Casasnovas en profite. Face aux restrictions, comme le port du masque et les différents confinements qui essaiment cette période, le Catalan construit sa nouvelle légende de résistant contre l'ordre établi. En parallèle, pour se protéger du regard critique de la Miviludes, des associations anti-sectes et des médias de plus en plus curieux, Casasnovas arrondit les angles. Il supprime certaines vidéos de sa chaîne, modifie les titres et descriptions, ajoute du conditionnel pour diluer sa responsabilité. En juin 2020, Dieudonné, l'ex-humoriste qui s'est fourvoyé avec l'engeance antisémite, remet le Quenelle d'Or, sorte d'Oscar de la réacosphère, à Thierry Casasnovas en tant que lanceur d'alerte. Bon, cette Quenelle me touche énormément, tu peux l'imaginer. Je tenais à te remercier d'être venu l'an dernier aux rencontres de la Régénération. C'est la première fois que je peux être sur une scène juste à côté de Dieudonné, quoi, t'imagines, c'est... Je me dis, il faut préparer la relève, quoi, tu vois. Donc je me sens, là, je me projette, quoi. Petit moment d'émotion avec Thierry, mais qui est un moment de révolution, une quenelle qui, lui, il a mis dans le fion du système Merci. De santé. Quelques semaines plus tard, le 19 juillet 2020, coup de tonnerre. Le média de vulgarisation scientifique Futura publie le témoignage d'un interne qui travaille dans un centre hospitalier dans le sud de la France. Le 26 juin, le jeune homme prend en charge un mineur diabétique qui a passé du temps en réanimation après une crise d'acidocétose. La raison ? Le jeune homme a interrompu son traitement à l'insuline en se renseignant sur Internet. Dans l'article, le jeune patient s'appelle Alexandre, l'internaute Jonathan, extrait. Une question obsède alors le jeune interne. Pourquoi diable a-t-il arrêté son insuline ? Alexandre lui répond que puisqu'il ne mange pas, il n'en a pas besoin. Il s'entête. On peut guérir du diabète, il suffit de bien manger. Il en viendra à parler de médecine douce et d'autres joyeusetés hostiles à la médecine moderne. Le père d'Alexandre est au téléphone. Ils discutent ensemble. Jonathan rassure le parent du jeune homme et lui demande son avis sur la situation. Son père répond qu'Alexandre est très intelligent et qu'il se documente beaucoup sur Internet concernant sa maladie. Le jeune interne s'engouffre dans la brèche. Et sur Internet ? Vous savez qu'il y a aussi beaucoup de bêtises sur Internet. Le papa tente d'être plus précis. Il regarde des vidéos d'un mec qui prépare des jus sur YouTube. Jonathan a tout de suite compris de qui le père d'Alexandre parlait. Thierry Casasnovas, tente le jeune interne. Son père répondra alors par l'affirmative. Le 29 juillet 2020, l'Office central pour la répression des violences aux personnes ouvre une enquête à l'encontre de Thierry Casasnovas sous le chef de mise en danger de la vie d'autrui. En octobre 2020, sentant le vent du boulet, le youtubeur supprime plus d'un millier de vidéos de sa chaîne. Le 7 mars 2021, France 5 diffuse l'enquête La Fabrique des mensonges, dont la deuxième partie est consacrée à Thierry Casasnovas. Pour la première fois, une victime témoigne à visage découvert. Elle raconte les 2 ans de régime, ses 38 kilos pour 1m63 et les 10 jours de coma qui ont suivi sa tentative de suicide, car elle ne parvenait pas à aller mieux même en suivant minutieusement tous les conseils de Casasnovas. Quelques jours après la diffusion du reportage, la jeune femme affirmera dans une interview publiée sur le site complotiste François que la production du documentaire l'a manipulée pour faire de Casasnovas un gourou. L'apôtre du cru apparaît lui aussi dans une vidéo droit de réponse sur le site François. Le 16 février 2022, le domicile de Casasnovas à Morias-la-Sillas est perquisitionné par des gendarmes de la section de recherche de Montpellier. Une information judiciaire a été ouverte à Perpignan pour exercice illégal de la profession de médecin, abus de faiblesse, blanchiment et pratiques commerciales trompeuses. Puis, YouTube démonétise sa chaîne, dont il tirait quelques bénéfices avec ses 500 000 abonnés. Il est mis en examen le 10 mars 2023. En réponse, dans une vidéo, Casasnovas dénonce ceux qui veulent faire de lui depuis des années un infréquentable écrit au délire médiatique. Et c'est anxieux qu'il apparaît face caméra sur une plage et qu'il tente de démonter point par point ce que les journalistes et la justice lui reprochent. Mais pour réduire le stress et l'anxiété, rien de mieux que de suivre ses propres préceptes. La recette de son jus baptisé guérit tout devrait faire des miracles pour ses propres angoisses. Alors adieu veau, vache, cochon, place au céleri, curcuma et gingembre, et avec l'extracteur, s'il vous plaît. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le cas Thierry Casasnovas, dont nous allons parler avec notre invité Clément. Bonjour. Bonjour. Clément, du collectif L'Extracteur, qui décortique depuis 2020 les discours de Casasnovas pour en dénoncer les contre-vérités. Vous intervenez depuis les studios de France Bleu Drôme Ardèche à Valence, studio que l'on remercie pour leur accueil. Vous avez englouti des centaines d'heures de vidéos de Casasnovas. Cette envie de décrypter des fausses informations ne vient pas de nulle part, j'imagine. Racontez-nous pourquoi vous vous êtes intéressé à ce gourou du cru. Alors au sein du collectif, on a tous des parcours un petit peu différents. Certains étaient déjà très engagés sur le rationalisme, la question de l'esprit critique. Moi personnellement, en fait, j'ai été séduit dans un premier temps par ces discours, par des figures comme Thierry Casasnovas, Irène Grosjean, qui est une autre naturopathe. Et donc j'en ai perçu le côté séducteur, alors que j'étais en plus dans une formation scientifique, j'étais dans le supérieur déjà. Et donc, ben après avoir compris un petit peu les dangers que ça pouvait représenter, j'ai essayé de mettre ces connaissances eh bien au profit de tous en essayant d'informer sur la dangerosité de ce genre de discours. Alors, au-delà du cas Casasnovas, sur lequel nous allons revenir, bien sûr, concernant les complotistes, quel est votre regard sur leur motivation? Que cherchent-ils au-delà de nous dire, voyez, nous on est plus malin que vous, hein, nous on sait qu'il y a des trucs qui sont cachés, on tombe pas dans le piège. Qu'est-ce qu'ils cherchent exactement? Alors, non, c'est un peu ça quand même. Oui, je ne parlerai que des figures, on va dire, d'autorité, ceux qui propagent du contenu, qui diffusent des fausses informations, pas ceux qui y croient malheureusement. Les motivations sont souvent très diverses. On a certaines personnes qui sont bien motivées par l'argent, hein, ça arrive, donc qui vont monter tout un business autour de sites qui publient des fausses informations, qui vont faire appel ensuite à des publicités pour monétiser ce site, cette audience. On a des personnes qui sont plus attirées par le pouvoir, c'est-à-dire l'emprise qu'elles vont pouvoir avoir sur des gens, sur des personnes, sur leur quotidien. On a des personnes qui sont aussi intéressées par des relations sexuelles. Dans le cas des dérives sectaires, ça arrive malheureusement aussi. Donc, il y a tout un tas de motivations chez les personnages que vous avez cités dans votre brillant récit. D'ailleurs, je vous félicite ainsi que Constance Villanova qui vous avez réussi à rassembler les pièces d'un puzzle qui est très complexe. Nous, on se casse les dents dessus depuis quelques années déjà, donc bravo. Les complotistes qu'on a vus émerger avec la crise sanitaire, pour beaucoup, c'est surtout une question de envie d'être célèbre en fait. Vous n'avez pas parlé de Silvano Trotta, vous n'avez pas parlé de quelques autres, mais il y a cette volonté d'exister. Je prends cet exemple de Silvano Trotta, c'est un chef d'entreprise, il a de la surface financière, il n'a pas du tout besoin de ça, et pour autant il est devenu un média à lui tout seul. Il a un compte Telegram où il diffuse énormément de fausses informations, et en fait c'est pas pour l'argent, c'est vraiment parce que il est dans une certaine forme de croyance et il a surtout envie d'être connu là-dessus. Ouais. Et c'est ce que permet le numérique, évidemment, puisqu'il n'y a pas de filtre. Vous avez vous-même publié plusieurs vidéos sur des thématiques soulevées par Thierry Casasnovas. J'imagine qu'il a réagi à votre travail. Quelle relation l'extracteur que vous représentez entretient-il ou telle avec Casasnovas? Alors au départ, il a plutôt fait le mort. Il n'a pas cherché à réagir à nos vidéos et à nos contenus. Et puis après, la réaction a été une double réaction. D'abord, il a essayé de se servir des moyens de YouTube pour essayer de faire tomber nos vidéos en faisant une réclamation pour atteinte à ses droits d'auteur. Parce que c'est vrai que on utilise beaucoup de son contenu. On nous l'a d'ailleurs souvent reproché, c'est qu'on le laisse beaucoup parler dans nos vidéos pour pas qu'on soit justement accusé de faire des coupe et de monter en épingle des petits morceaux de son discours en lui faisant dire ce qu'il ne dit pas. Donc on laisse des extraits assez longs, mais c'est une exception, c'est un droit à la critique aussi, donc on agit de cette manière-là avec nos vidéos. Donc il a essayé ça, on a failli perdre toute notre chaîne YouTube et tous nos contenus. Finalement on a réussi à avoir un contact chez YouTube et ça a tenu. Et ensuite il y a eu les procédures Bayon, c'est-à-dire au sein du collectif je suis le seul qui l'ait réussi à identifier pour l'instant humainement, personnellement, et donc c'est moi qui suis régulièrement convoqué par les gendarmes pour m'expliquer sur des plaintes que j'estime abusives pour harcèlement, dénigrement professionnel, tout un tas de choses. Ces gens ne se reconnaissent pas dans le système et ne croient pas en la justice, mais arrivent à s'en servir quand même assez bien pour mettre des bâtons dans les roues de ceux qui les ennuient un petit peu trop. Et vous, quel est votre objectif après? Après quoi courez-vous? La vérité scientifique? Non, alors non. Non, nous c'est plutôt essayer de réduire au maximum la dangerosité de ces pratiques, de ces discours, de ces idées aussi pour nos concitoyens. On essaye de favoriser l'autodétermination des personnes, leur liberté, leur esprit critique. Et en fait, ce qui nous fait, ce qui nous permet d'agir, en tout cas, ce qui nous donne envie d'agir, c'est de voir des personnes qui viennent nous voir et qui nous disent, eh bien, écoutez, grâce à vos contenus, on a détecté un cancer à ma maman, et en quelques jours, elle a déjà été confrontée 3 ou 4 fois à des personnes de son entourage qui lui ont suggéré les vidéos de Thierry Casasnovas, les vidéos de Jean-Jacques Crèvecœur, et grâce à vos contenus, j'ai pu savoir de quoi elle parlait, j'ai pu la prévenir et j'ai pu intervenir à temps. En fait, on sait très bien que on va pas pouvoir toucher les gens qui sont déjà les deux pieds dedans, qui sont convaincus par ce genre de choses. Malheureusement, dans le cas de ce qui s'apparente à des dérives sectaires, on a du mal à agir auprès de ces personnes-là. Par contre, le grand public, mais aussi les médias, mais aussi les acteurs politiques, on essaye de les informer et on essaye d'améliorer, on va dire, notre compétence à tous générale sur la détection de ces signaux faibles, de ce qui peut être le premier pas vers une forme de dérive sectaire. Et les fake news, évidemment. Parce que ça se nourrit de fake news, et nous, les journalistes, nous sommes là aussi pour aller contre ça, pour donner non pas des fake news, mais des news, hein, qui ne sont pas fake. Pas toujours facile, mais c'est notre mission. On va se retrouver dans deux minutes, après avoir écouté Young Fathers, I Saw. Sensible sur France Inter. Clément, du collectif L'Extracteur, je rappelle que vous décortiquez depuis 2020 les discours de Thierry Casasnovas pour en dénoncer les contre-vérités. Vous avez employé plusieurs fois le mot sectaire. Quel point commun avec le principe des sectes ? Au-delà du gourou, la figure du gourou que Casasnovas incarne. C'est ça. Alors, il y a différents critères pour la dérive sectaire, pour caractériser la dérive sectaire. C'est vrai qu'on n'emploie plus le terme secte et on va dire une liste de cases à cocher pour voir si on se rapproche ou pas de la dérive sectaire. Mais c'est pas noir ou blanc. Hein. Il y a des mouvances qui sont sur une tendance sectaire. Voilà. Donc c'est difficile à établir formellement. Après, ce qui est sûr, c'est que nous, on n'a pas compétence à juger ça. C'est la Miviludes qui peut ou pas inclure ce genre de groupe ou de structure dans son rapport. Et là, pour le coup, le mouvement autour de Thierry Casasnovas, de la Régénération, son association dont vous avez parlé, Régénère, coche pas mal de cases. Il y a donc la figure, vous l'avez dit, emblématique. Il y a le discours, il y a une forme de dogme hein, qui, même s'il a évolué au fil des années, il y a des exigences financières qui sont pour certains assez importantes parce qu'il y a les stages de jeunes, il y a les formations dont vous avez parlé, il y a les abonnements à des magazines, à des choses comme ça. Et puis il y a surtout une sorte de vision du monde, une sorte de grille de lecture qui est donnée par la figure d'autorité qui est Casasnovas, d'un monde très manichéen entre les éveillés qui ont compris comment se réapproprier leur santé et puis les autres, les moutons. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ceux qui ont compris puis ceux qui tombent dans le piège quoi. C'est ça, les moutons, les pigeons comme vous voulez. Alors parfois ça s'arrête là, c'est juste une question de est-ce qu'on est éveillé ou pas. Et parfois ça va un peu plus loin, dans le sens où ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, ceux qui veulent vous convaincre de remanger cuit, de je ne sais quoi, sont contre vous, vous veulent du mal. Et donc séparez-vous de votre milieu professionnel, de votre famille, laissez vos proches qui ne sont pas d'accord avec vous derrière vous. Donc il y a aussi un... Ça, c'est très sectaire, effectivement. Exactement. C'est ça le problème. J'ai cru entendre que la page Wikipédia dédiée à Thierry Casasnovas avait été le théâtre d'une guerre acharnée entre pro et anti, parce qu'on rappelle que c'est une encyclopédie partagée et participative, hein, Wikipédia. Vous avez vécu cet épisode ? C'est ça, c'est un épisode assez marquant parce que on a quelques contacts au sein de Wikipédia et l'un des contributeurs, pas sur cette page mais de Wikipédia régulier, nous a par exemple apporté cette information que la page de Thierry Casasnovas a été la seule à l'échelle européenne à être bloquée aussi longtemps pour une guerre d'édition, c'est-à-dire un moment très tendu où on a des contributeurs, on va dire pro et anti, qui essayent de modifier très régulièrement la page pour aller dans leur sens, et donc la page a été bloquée pendant plusieurs semaines et même plusieurs mois à cause de cela. C'est voilà, la page Wikipédia telle qu'elle est aujourd'hui, elle est l'aboutissement de la contribution de beaucoup de d'acteurs du monde libre, et elle est relativement nourrie, et malheureusement elle ne lui plaît pas beaucoup, ou plutôt heureusement pour nous. Quand on retrace le parcours de Casasnovas, on a l'impression qu'il coche toutes les cases du parfait parcours du conspirationniste. Alors on parle d'abord de la médecine non conventionnelle vers la réacosphère, hein. Je préfère dire réacosphère que fachosphère, parce que le fascisme... C'est plus pertinent. Mais oui, mais le fascisme est une notion précise qui dit en gros, si tu penses pas comme moi, je te tue. On n'en est pas là. Donc la réacosphère. D'où vient comment se construit ce lien-là? Alors, ce lien, et j'ai apprécié le terme de réacosphère, en fait, il faut voir que c'est pas du tout un simple opportunisme. Certains journalistes avaient décrit ce rapprochement entre Casasnovas et, par exemple, le groupuscule soralien d'égalité et réconciliation comme un simple opportunisme pour attirer de l'audience. En fait, c'est vraiment assez profond, c'est-à-dire que leur vision du monde, c'est une vision de la nature sacralisée, d'une nature qui est essentialisante. Donc, les hommes, les femmes viennent au monde avec certaines tâches à accomplir, avec certains organes, etc. Et en fait, c'est une vision qui va irriguer toute la naturopathie. Elle est fondée en Allemagne au siècle dernier. En France, c'est également le cas avec Marchesso, qui est un des papes de la naturopathie. Et puis, plus récemment, avec Irène Grosjean, c'est une vision où, par exemple, l'homosexualité est une maladie, où les femmes ont une place dans la société qu'elles doivent accomplir. Et, par exemple, porter un enfant, c'est vraiment leur but ultime. Donc, cette vision-là, c'est la même, en fait, c'est le même terreau qui va nourrir par exemple la suprématie raciale, la haine des minorités, la haine anti-trans, etc. Et donc c'est quelque chose qu'ils partagent vraiment. Il y a un aspect réactionnaire chez Casasnovas quand on entend parler des femmes, quand on l'entend parler d'avortement, quand on l'entend parler de l'homosexualité. Il y a ce côté réactionnaire qui fait que le pont avec l'extrême droite comme celle de Soral était toute tracée. Est-ce que vous avez décrypté un discours antisémite ? Chez lui, pas directement. Par contre, il y a une, on va dire, une acceptation de certaines relations qui posent question. Dieudonné, par exemple. Voilà, Dieudonné, le faire venir à la grande surprise de son public au Festival de la Régénération. Donc c'est un festival qui est dédié, on va dire, à la culture de l'alimentation vivante, des fruits, des légumes. Il y avait des bars à jus partout. Bon, il y avait des choses un peu surprenantes. Il y avait des baptêmes dans la rivière, des baptêmes évangéliques. Et puis il y avait du coup le soir un invité surprise, Dieudonné sur scène, qui l'a fait applaudir. Ensuite, ce compagnonnage, il s'inscrit dans la durée, parce qu'il y a eu donc les quenelles d'or, il y a eu des petits messages subliminaux avec des ananas derrière lui dans les vidéos. Et très récemment, en août 2020, il a encore fait une conférence pour égalité et réconciliation, en demandant bien au public de ne pas mentionner sa présence à la conférence, à l'événement d'égalité et réconciliation, parce que il était en instance de divorce, parce qu'il avait des petits soucis personnels, et il sait très bien avec qui il fraye. Voilà. Donc, il n'y a pas forcément, on n'a pas vu dans les 1300 vidéos qu'on a pu voir, on n'a pas vu vraiment de discours antisémite. Par contre, il y a un laisser-faire qui semble pas lui poser problème avec ses fréquentations. Il y a un discours sexiste aussi, hein. Oui, extrêmement. Oui, sur la place des femmes, c'est une vision qui est réactionnaire du monde, de la société et des êtres humains. Oui, oui. Bon, vous allez faire quoi maintenant? Vous continuez à milivuder, si j'ose dire? Et non, parce que c'est assez la responsabilité de la milude, mais en tant que citoyen, vous allez continuer à décrypter ces messages-là? Alors justement, espérons que la vigilude soit renforcée, dotée de plus de moyens humains et financiers. Nous, c'est évidemment pas notre mission. On n'est pas aussi important qu'eux, mais c'est un travail de citoyen en effet bénévole. Ce qui est difficile, c'est que la crise Covid a libéré, on va dire, a fait tomber pas mal de barrières, et que des gens comme Casasnovas, ils étaient peu nombreux avant. Aujourd'hui, il y en a. Mais oui, surtout par rapport au vaccin, notamment. Exactement. Il y en a peut-être des milliers qui ont pris la suite, qui se sont inspirés, qui ont été formés par lui, mais par d'autres, et qui exercent la même forme d'emprise, mais à une échelle beaucoup plus réduite. Et sur cela, malheureusement, on a du mal à agir. Merci beaucoup, Clément. Merci pour votre invitation. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Thierry Casasnovas, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait un autre Clément Verman.